On va maintenant se concentrer sur cette affirmation pour faire en sorte que l'ascension de la montagne te soit la plus agréable possible. Reste concentré sur ta respiration, mais essaye quand même de t'imprégner des mots dans ces affirmations. Première affirmation. Chaque jour, je donne de l'amour à mon corps et à mon esprit. Deuxième affirmation. Je suis reconnaissant pour tout ce qui est bon dans ma vie et que j'ai tendance à prendre pour acquis. Troisième affirmation. Je prends les autres comme ils sont et je relâche le besoin de comparer ou de juger. Quatrième affirmation. Je ne crois les histoires dans ma tête que si elles sont utiles à mon bonheur. Cinquième affirmation, je prends la vie moment par moment. Sixième affirmation, je muscle ma confiance en moi-même et en la vie en me recentrant sur ma respiration. Septième et dernière affirmation. Je suis fort, je suis généreux, je suis génial. Pense aux 24 heures à venir, aux choses que tu vas faire et aux personnes que tu vas rencontrer. Choisis une de ces choses ou rencontres qu'il te tient à cœur de réussir. Et visualise cet événement se passant le mieux possible. Appelle en toi toute la satisfaction et la sérénité que tu ressentiras quand cet événement se sera passé pour le mieux. Maintenant, essaye de placer toute ton attention sur tes pieds. Sur tes genoux. Sur tes organes génitaux. Sur ton ventre. Sur ton plexus solaire. Sur ton front. Sur l'espace au-dessus de ta tête. Et enfin sur tes mains. Et essaye de ressentir à quel point elle vibre. ici et maintenant, essaye de t'envoyer tout l'amour que tu peux. Comme si tu t'enveloppais d'une lumière bienfaisante qui émanait de ton cœur. Et souhaite-toi silencieusement que je sois heureux, que je sois en bonne santé. Et que mes rêves se réalisent. Maintenant, rappelle-toi la pensée de Bouddha qui disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » Pense à quelqu'un avec qui tu as eu un conflit, quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas particulièrement bien. Choisis une personne. Et même si c'est difficile, ici et maintenant, décide que la négativité de cette personne est de la souffrance et essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux, de la recouvrir de la lumière bienveillante qui émane de ton cœur. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé. Et que tes rêves se réalisent. Enfin, pense à une personne que tu aimes, quelqu'un qui te tient à cœur, choisis-en une. Et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux.